sur l'instru pour lâcher mes vers. C'est Rick son mic pour dédicacer à Moumou de la cité. Zine Hakim, Jawed de Heb, c'est son tombé. Dis le malicieux, toujours là pour m'aider. Roya, Jinma, je sais que le matos c'est chez toi. Afaf et la Kaira, l'avenue de la Marne, l'avenue de l'Europe. Mais aussi la rue Fenel, bloc 7, vapeur de fumette. Niggas Rickus, en rodage pour se la mettre. Agile ce finger, c'est toi le meilleur. Allou, ma soeur de cœur, Amo SNDK, des rimes à clica. VYTO, toujours PO pour rapper à CNM. Un mec qui inspire la haine, qui m'inspire quand j'ai la haine. À Renoir, Arnaud et tous les autres que j'ai pas cités. À mes parents, ma famille, à Mathéo, mon titi, sous tes pieds. S'ouvrir un monde plus beau, je l'espère pour toi, mon bébé. T'inquiète, je t'aime, toi-même tu sais. À tout mon 8-900, ma ville, c'est sens. À tous mes potos, cette musique, je leur dédicace. Sur cet instru, j'espère bien laisser une trace de 150. Sur le compteur de la R1, j'paiera pour ICAM. Des deux du 8-9, Yannick et Venin. Mes frérots, Denden et Dimo. Je prends le MIC pour dédicacer à Majid. Mets le son à fond dans ton bolide. Mon son est fluide, à mon couscous rit pendant l'album. On a bien galeri à tous ceux qui m'ont aidé dans les moments difficiles. À tous ceux qui écouteront mon son avec Steezy. Si si, poto, monte le son de ton auto. C'est Ericieux, ce vidéo. Notre album 8-9 vendredi 10. Il était fait avec charisme, avec un son aussi puissant qu'un séisme.